Chapitre 20. Ikuteruka, se tenant aux porte-lanternes du wagon, réussit à se pencher sur un des tampons du véhicule. Heng, qui était à cheval sur l'autre, vit arriver son ennemi. Il poussa un cri rauque et, se retenant d'une main, prit de l'autre dans sa poche un revolver dont il fit feu sur son ennemi à bout portant. Les formidables trépidations du train lancé à plus de 100 à l'heure firent dévier son bras. Les balles passèrent autour d'Ikuteruka, mais sans l'atteindre. Ikuteruka était sans armes, il n'en avait pas besoin. Un revolver et un poignard l'eussent embarrassé. Il se pencha vers son ennemi et lui saisit le pied. Heng faillit rouler sur la voie. Il réussit pourtant à se retenir et tenta de fracasser la tête du grand détective avec la crosse de son revolver qui maintenant était vide. Ikuteruka, lâchant la jambe du bandit, le saisit par le bras. Les deux hommes, à cheval, chacun sur un des tampons, s'enlacèrent furieusement, chacun cherchant à précipiter l'autre sous les roues du train. Et le convoi, dont la vitesse augmentait toujours, bondissait littéralement sur les rails avec un bruit de tonnerre. Les petites pierres du ballast, arrachées par le déplacement de l'air produit par le passage du train, fouettaient violemment les deux hommes haletants. Pendant quelques instants, Heng et Ikuteruka s'étreignirent désespérément sans qu'aucun d'eux parvint à prendre l'avantage. Mais enfin, Ikuteruka, malgré son épuisement, sentit que son adversaire faiblissait. D'une adroite passe de jiu-jitsu, il le réduisit à l'impuissance, l'étourdit d'un coup de poing sur le menton qui le mit knock-out et resta pendant environ 5 minutes immobile, à cheval sur son tampon, à retenir le corps inerte du bandit. Lorsque ses forces furent un peu revenues, Ikuteruka, avec des difficultés inouïes, parvint à charger sur son dos le chinois évanoui et à regagner le marchepied. Il porta Heng dans un wagon, le ligota solidement et se mit à la recherche du mandarin. Il découvrit Tansui dissimulé sous une banquette. Il l'obligea à se relever et le ligota à son tour. Puis, il regagna la locomotive. La pression commençait à faiblir dans la chaudière. Ikuteruka le bourra de nouveau de charbon, mais s'aperçut avec inquiétude que la provision de houille touchait presque à sa fin. Or, Ikuteruka savait, pour avoir consulté la carte du mécanicien, que le train se trouvait encore à plus de 200 km de Canton. S'il s'arrêtait avant d'être arrivé dans la grande cité, il serait très certainement saisi par les autorités chinoises qui lui demanderaient des explications. L'on découvrirait, si ce n'était déjà fait, le corps du maître sans nom, et l'on découvrirait aussi Heng et le mandarin Tansui. Ikuteruka serait emprisonné, et nul n'entendrait plus parler de lui. Il fallait donc à tout prix atteindre Canton. Ikuteruka résolut de tout faire pour cela. Il saisit le marteau qui servait au chauffeur pour casser les blocs de charbon trop gros pour entrer dans la chaudière, et gagna le wagon le plus proche, dont il démolit les cloisons extérieures et intérieures, ainsi que le toit et le plancher. Il transporta le bois ainsi obtenu dans le tender et entreprit ensuite de démolir pareillement le second wagon. Pendant des heures et des heures, malgré son épuisement, malgré les souffrances que lui causaient les plaies de ses pieds, il travailla sans relâche, ne cessant de démolir les wagons que pour enfourner leurs débris dans le foyer de la locomotive. Les deux Chinois, qui seuls avec Heng avaient échappé à la mort, avaient depuis longtemps sauté sur la voie sous l'influence de la terreur. Ikuteruka était seul dans le train avec Heng et le mandarin Tansui. Le jour était venu. Le convoi, toujours à toute vitesse, filait à travers la campagne chinoise, brûlant les gares, dépassant les autres trains qui se garaient sur son passage, et Ikuteruka, infatigable, chauffait toujours. Enfin, vers 7 heures du matin, Ikuteruka reconnut au passage la station de Chongqing qui se trouve à quelques milles de Canton. Il ralentit un peu la vitesse, et ayant calculé qu'il lui restait maintenant assez de combustible pour atteindre la grande cité chinoise, s'assit enfin devant le foyer de la locomotive. Il put bientôt apercevoir et reconnaître le fleuve Pékiang. Il ralentit encore. Il passa devant les premières maisons de Canton et à petite vitesse entra enfin en gare. L'arrivée du train fou devait avoir été signalée, car une nuée de policemen chinois attendait sur le quai. L'officier qui les commandait se précipita vers la locomotive. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Où est le mécanicien ? Répondez vite ! Je vous arrête !»